Née en 1907, Frida Kahlo se destinait à des études de médecine lorsque le 17 septembre 1925, le bus dans lequel elle se trouve percute un tramway au cœur de Mexico. Le corps brisé, elle passera le restant de ses jours au lit, jusqu'à sa mort à 47 ans, en 1954. Une vie au lit, mais d'abord une vie à peindre, car de cette immobilité forcée, Frida Kahlo a tiré le meilleur sur la toile grâce à la peinture. J'ai commencé à peindre par ennui, car j'étais alitée depuis un an suite à un accident au cours duquel je m'étais fracturé l'épine dorsale, un pied et d'autres os. J'avais 16 ans à l'époque, et j'étais pleine d'enthousiasme à l'idée de faire des études de médecine. Mais tout s'est arrêté dans le choc entre un bus de Coyoacán et un tramway de Tlalpan. Comme j'étais jeune, ce malheur n'a pas tourné au tragique. J'avais assez d'énergie pour faire n'importe quoi au lieu d'étudier la médecine. Et sans trop m'en rendre compte, je me suis mise à peindre. Je ne saurais dire si mes tableaux sont surréalistes ou pas, mais je sais qu'ils sont la plus franche expression de moi-même, sans jamais tenir compte des jugements ou des préjugés de quiconque. Je n'ai pas beaucoup peint, et je l'ai fait sans le moindre désir de gloire, sans la moindre ambition, avec la conviction d'abord de me faire plaisir, et plus tard de pouvoir gagner ma vie avec mon métier. Des voyages que j'ai faits, au cours desquels j'ai vu et observé tout ce que j'ai pu, des peintures magnifiques et d'autres déplorables, j'ai tiré deux choses positives. La nécessité de faire de mon mieux pour être moi-même, et l'amer constat que plusieurs vies ne me suffiraient pas à peindre comme je voudrais, et tout ce que je voudrais. Todos me dicen el negro llorona. Negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante. Pero sabroso, yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Bonjour Claire Berest. Bonjour. Bienvenue sur Les Chemins de la Philosophie. Merci. Frida Kahlo rencontre la peinture presque par hasard alors qu'elle est immobilisée dans un lit suite à un accident. Et pourtant, le texte, on vient d'entendre, le dit bien. Elle y trouve la manière d'exprimer la plus franche expression de moi-même, c'est ce qu'elle dit, donc de donner la plus franche expression d'elle-même, du plaisir, le désir aussi de gagner sa vie par ce moyen. Et elle dit qu'une seule vie ne suffirait pas à dire tout ce qu'elle voudrait dire par la peinture. C'est une vraie rencontre. C'est une vraie rencontre. Après, ce qui est intéressant, c'est que, si je ne me trompe pas, ce texte a été écrit des années plus tard par elle-même. Et comme vous savez, on a tendance à se raconter et à réinventer aussi qui nous sommes et d'où nous venons et pourquoi nous avons fait les choses. Et pour le coup, non pas qu'elle mente dans ce texte, mais évidemment, Frida, elle va reconstituer cette rencontre qui est plus un accident qu'une rencontre, une rencontre de désir. Mmh. Dans le sens où, quand elle se retrouve immobilisée sur ce lit, là on a presque l'impression dans le texte, bon, elle a presque quelques petites broutilles, etc. Il faut imaginer un corps en lambeaux, une douzaine de fractures, la colonne vertébrale est touchée. Donc on est dans une immobilité, on est aussi dans une douleur insupportable. Pour une jeune fille, une toute jeune fille, alors elle ment aussi sur son âge, hein, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'elle mélange les dates, etc., dans ses textes. Et donc on est sur une toute jeune fille qui, avant cet accident terrible, était un feu follet, était une jeune fille pleine de courses, pleine de joie, pleine d'urgence, qui faisait beaucoup de bêtises, qui, voulait devenir médecin, avait réussi à rentrer à la préparatoria, la première année où les femmes ont été acceptées, où les filles ont été acceptées, mais qui passait beaucoup de temps, en fait, dans le bureau du directeur parce que, littéralement, elle savonnait les planches des professeurs. Et il faut imaginer le choc quand on est dans l'urgence aussi d'aller embrasser les garçons et les filles, qu'on veut vivre, qu'on veut voyager, d'être cloué au lit. Ouais. Cette expression qui est littérale, cloué comme le Christ sur sa croix. Et les premiers mois, pour Frida, c'est pas tout d'un coup, elle va se mettre à peindre, c'est intéressant et c'est une belle rencontre dans sa vie. Je pense qu'il y a une telle souffrance, un tel désespoir, qu'il faut imaginer une autre vie, qu'il faut absolument sortir cette douleur, cette expression, mais d'ailleurs elle le dit bien, expression de soi-même, tout ce qui est convoqué en elle et qui ne peut plus s'agiter parce que le corps n'est plus un véhicule mobile. Je pense que c'est pas une thérapie, c'est une survie. Et quand elle demande à son père de rapporter, voire même de ramener, dans le sens où pour elle, la peinture va devenir un être vivant, pas juste une matière. Quand elle demande à son père de ramener des couleurs, ramener vite fait une toile et des pinceaux, elle est littéralement dans « sinon je vais mourir ». Alors comment ça se passe? Parce qu'elle ne peignait pas avant. Donc, comment a-t-elle l'idée et comment est-ce que ça se passe, le fait qu'on organise tout son lit, et on peut trouver des photos, hein, là j'en ai ici sous les yeux, tout est organisé pour qu'elle puisse peindre, elle a une espèce de chevalet horizontal pour qu'elle peigne couchée, il y a un jeu de miroir qui fait qu'elle peut regarder des choses même sans quitter son lit, elle a quand même un corset extrêmement rigide et vous l'avez dit, le corps entièrement fracturé et pourtant, même au prix d'une certaine douleur, elle va décider de peindre. Oui, alors... On a des dessins de Frida Kahlo qui datent d'avant l'accident, mais comme, j'ai envie de dire, tous on peut, pour le plaisir, se prêter à dessiner parce qu'on a un coup de crayon, etc. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que ces premiers dessins, c'est pas Picasso ou Diego Rivera, des enfants peintres qui se sont mis à peindre de manière urgente quand ils étaient enfants. On a des dessins, notamment des fleurs de Frida, avant son accident. Mais c'est pas une activité autre que, comme si elle faisait un peu d'un instrument de musique, etc. Donc, cette décision de se mettre à peindre, elle a un père photographe et elle a un père aussi qui fait des pastels, qui dessine lui-même. Elle a cette chance-là d'avoir un père, on va dire, érudit, qui va l'ouvrir à la lecture, hein, au philosophe, qui va l'ouvrir à la technique de la photographie, qui va aussi l'ouvrir au dessin. Plus elle d'ailleurs que ses sœurs, ce qui est intéressant, elles sont 6 sœurs, hein, plus elle que ses sœurs parce que probablement Frida, qui est la seule qui a un prénom allemand aussi dans la sororie, je sais pas si on dit, alors qu'elles ont toutes un prénom espagnol, est un peu le fils qu'il n'aura pas, Guillermo Kahlo. Donc il l'ouvre à toutes ces techniques d'une certaine manière parce que quand on apprend à quelqu'un quelque chose, en tout cas à l'époque, dans cette société patriarcale, c'est qu'on passe à celui qui va devoir après prendre la place. Donc Frida, elle a tout ça à sa disposition, mais non, avant ça, elle n'a pas du tout décidé d'être peinte, et c'est un petit peu comme si la peinture la choisissait pour l'aider à survivre. Et effectivement, à partir de ce moment-là, à partir du moment où elle a cette sorte d'urgence de « il faut que je sorte ce cri de moi, là, tout de suite », là, toute une vie va se mettre en place autour d'elle. Comme vous venez de le dire, il va falloir construire un chevalet, construire une possibilité. Il faut imaginer qu'elle a même mal dans les bras, dans les mains, et que surtout elle ne peut pas peindre avec le buste relevé, comme nous ferions. Elle est obligée de peindre allongée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de visibilité, d'une certaine manière, pas d'horizon. Donc il va y avoir ce système ingénieux fait par son père d'un miroir sur le toit du lit à baldaquin pour qu'elle puisse voir au moins quelqu'un. Et comme on sait, on est soi-même sa première altérité. Elle voit l'autre Frida en face d'elle qui va lui permettre d'avoir un sujet vivant, même alité, pour sa peinture. D'où une série d'autoportraits assez impressionnante et unique d'ailleurs dans l'histoire de l'art parce que c'est effectivement son seul sujet et pour cause, elle ne peut rien voir d'autre. Alors après, évidemment, elle sortira un jour de ce lit et elle ira à l'aventure et elle va peindre d'autres choses, elle va peindre d'autres gens. Elle y retourne quand même tout le temps. Hein. Voilà, elle y retournera tout le temps. Mais effectivement, on voit dans tous ces tableaux, il y a aussi évidemment des portraits d'autres gens, il y a aussi des sujets et on y reviendra parce que le corps et le lit se trouvent dans beaucoup de ces sujets. Mais effectivement, il y a cette sorte de série dingue de Frida Encore et encore, et alors là, c'est comme un journal intime. Frida, quand elle est coiffée ou décoiffée, quand elle pleure ou elle pleure pas, habillée ou pas habillée, si c'est désertique ou si c'est pas désertique, on peut lire littéralement la température de son âme à travers ces tableaux. Vous avez consacré un roman à Frida Kahlo, à sa vie, son histoire d'amour, ses histoires d'amour, Claire Berest, il s'appelle Rien n'est noir. On le trouve aux éditions Stock, c'est un texte magnifique qui romance la vie de Frida Kahlo, parce que tout est vrai dans ce que vous dites, non? Oui, alors c'est la vaste question. Il nous faudrait peut-être quelques semaines ou quelques mois. Mais allez-y, quand ça même, vous avez le temps pas. De m'expliquer. Non, disons que je crois que la fiction nous permet d'atteindre la vérité. Je pense que le roman, littéralement, comme peut-être pour Frida, la peinture sauve la vie. Que le roman nous permet de souffrir moins. La c'est fiction, votre cas, en tout cas. La narration, comment ? C'est votre cas ? Ça vous a sauvé en tant que lectrice. Ouais. En tant que lectrice, les romans m'ont infiniment plus sauvée dans ma vie que les anxiolytiques, littéralement. Donc, je pense voilà que la fiction. Je suis très admirative, par exemple, du travail de Le Clézio sur Diego et Frida. J'ai lu, je pense vraiment énormément de livres sur le sujet. J'ai lu beaucoup de biographies. Je pense à celle d'Aiden Herrera, qui est une référence, une bible pour moi. Donc, ce sont des livres très importants. Il y a une forme de travail universitaire. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi il y a roman ? On pourrait se poser la question, est-ce que Le Clézio est roman ou pas ? Pour moi, Le Clézio fait presque un essai. Un essai, il tourne autour d'un couple de créateurs. Moi, pourquoi il y a roman ? Oui, tout est vrai, d'une certaine manière, parce que je devais ne pas trahir ni Frida, en premier lieu, ni mes lecteurs potentiels, en les amenant dans une histoire qui s'est déroulée dans les années 30 au Mexique. Et je veux que mes lecteurs, s'ils ont envie de rentrer dans ma maison, ils soient plongés dans ce Mexique réel qui a existé avec, quand je dis que Frida est à tel endroit, avec telle personne, etc., il faut que tout soit très, très documenté. Mais j'ai recroisé, évidemment, beaucoup de documentation, énormément de sources. Là où la romancière, et c'est une joie folle, peut se permettre de tout casser, de tout repeindre, c'est de prendre des fils et de les tirer. Un exemple, je passe du temps aussi avec Lucienne Bloch, qui est une des grandes amies de Frida, qui parce que j'avais envie de parler de l'amitié féminine, à quel point c'est important. Et j'ai à un moment donné, dans une correspondance de Lucienne, elle parle d'un soir à New York, à l'hôtel Brevoort, où avec Frida, elle mentionne qu'elles font des gâteaux. Bon. Il peut se passer mille choses. Moi, je prends ce fil, tout est vrai. Tout est vrai, la date, le lieu, etc. Et là, la romancière rentre et fait le film. Et c'est deux femmes qui refont la vie, qui se parlent de leur douleur, qui finissent par faire des gâteaux, par les peindre, par les jeter par la fenêtre, etc. Et là, j'ai tous les droits. Je suis dans la fiction, je suis dans le roman. Simplement, chacune des paroles échangées entre ces deux-là est basée sur... toute la connaissance que j'ai de chacune d'entre elles. Et puis, je pense que voilà la part de recréation. Mais pourquoi elle vous fascine autant ? Parce qu'on sent quand même cette fascination, et pas que chez vous. Hein. J'ai l'impression que tous ceux qui travaillent, qui s'emparent du travail de Frida Kahlo, ont une forme d'obsession. Oui, le mot est juste, l'obsession. C'est beau, l'obsession. C'est dangereux, mais c'est beau. J'ai observé que ce qu'on appelle Frida Mania, le fait vraiment qu'on est beaucoup d'ici jusqu'au Japon à vraiment pas s'identifier mais à se plonger dans cette femme, est de plus en plus net, de plus en plus aigu, mais encore plus maintenant qu'il y a 5 ans, qu'il y a 6 ans. Donc qu'est-ce qui se passe dans l'air ? Qu'est-ce qui se passe dans l'air ? C'est le film d'Affaire qui est sorti, qui porte le titre d'un poème de Frida Kahlo, notamment. Enfin, il y a eu des films, il y a eu des romans, des ouvrages, des biographies. Ça se multiplie. Mais c'est vrai qu'un des films, on peut penser qu'il a le plus popularisé, c'est le film avec Salma Hayek. Mais il remonte, si ma mémoire est bonne, à quelque chose comme 15 ans. Et depuis 15 ans, ça s'accélère. 2002. C'est pas, voilà, 2002. Julie Taylor. 17. Voilà, mort. 17 ans. Donc... C'est de plus en plus... Je pense que cette femme nous dit quelque chose d'immédiat et de violent. Pourquoi ? Un, elle est libre. Elle est bisexuelle revendiquée. Elle elle pose l'équation du système patriarcal au début du XXe siècle. À un moment donné, on ne peut même pas se poser la question. En gros, elle met sur la table, ah bon, il y a une différence entre un homme et une femme, j'ai pas remarqué. Elle-même joue sur l'androgynie dans ses tableaux. Elle force le duvet de sa moustache, elle force ses sourcils, parce que précisément, elle revendique que chaque femme est potentiellement un homme et chaque homme est potentiellement une femme. Et quand elle parle de Diego, de son amour, elle parle des seins de Diego, par exemple. Elle va lui attribuer voilà, elle va utiliser un vocabulaire féminin. Tout ça, c'est très brûlant aujourd'hui. Ça nous parle. Par ailleurs, ces tableaux, il faut imaginer que oui, ça, c'est juste qu'elle écrit sur elle-même des années plus tard. J'ai peint sans ambition. Oui. C'est vrai que Frida, c'est assez fort dans toute sa progression. C'est que elle ne fait pas carrière, elle ne revendique pas une place, elle demande pas à être en haut de l'affiche, si je puis dire. Elle peint parce que ça la fait exister, en premier lieu parce que ça la fait, j'allais dire, se lever de son lit et respirer. Donc elle est voilà dans un rapport à la création qui est corporel, qui est violent, qui est celui de l'amoureuse, parce que je pense que la plupart de ces tableaux, elle les peint aussi pour que Diego la voie. Alors voilà, et puis on va y venir au tableau, on va les commenter ensemble. Claire Berès, je vous propose, puisque vous parlez de l'amoureuse, qu'on remonte dans l'histoire de sa vie au moment où elle arrive à l'hôpital. Elle est amoureuse, mais alors pas encore de Diego. Non. Il s'appelle Alejandro. Alex, elle l'appelle. Et voici un extrait des lettres qu'elle lui écrit jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'en fait, il ne viendra pas la voir. 13 octobre 1925. Mon Alex adoré, tu sais mieux que personne ma tristesse d'être dans ce sale hôpital. Tu peux parfaitement te l'imaginer et les autres ont dû te le raconter. Tout le monde me dit de prendre mon mal en patience, mais ils n'ont pas idée de ce que représentent les 3 mois au lit qu'on m'a imposé, alors que j'ai passé ma vie à battre le pavé. 26 octobre 1925. Ce matin, au réveil, j'avais une inflammation là où je me suis fracturé le pelvis. Je ne savais plus quoi faire. Dès que je buvais de l'eau, je la vomissais, parce que j'avais l'estomac en feu d'avoir tant hurlé hier. Maintenant, j'ai seulement mal à la tête, mais tu peux me croire, j'en ai marre de passer tout ce temps au lit, et toujours dans la même position. J'aimerais arriver à m'asseoir petit à petit, mais c'est peine perdue. 5 novembre 1925. Alex, dis à Chong Li de se souvenir de Jacobo Valdés, qui a si joliment dit que c'est au lit et en prison qu'on reconnaît ses amis. Quant à toi, je t'attends et toujours. Si tu ne viens pas, c'est que tu ne m'aimes plus du tout, pas vrai ? 27 mars 1927. Dans 18 jours, cela fera un mois que je suis couchée et va savoir combien de temps je vais passer dans cette boîte. Bref, je ne fais rien à part pleurer et puis dormir, mais rien qu'un tout petit peu, car c'est la nuit, quand je suis seule, que j'arrive le mieux à penser à toi. Alors je voyage avec toi. Les chemins de la philosophie, France Culture, Adèle Van Rett. Et aujourd'hui, c'est de Frida Kahlo que nous parlons pour le dernier temps de notre série d'émissions sur le lit. Après Platon, après les libertins, nous voici donc après le lit d'hôpital également, nous voici donc dans le lit de Frida Kahlo, le lit qui est le lieu de la peinture. Nous en parlons aujourd'hui avec la romancière Claire Berest qui lui a consacré un ouvrage appelé Rien n'est noir aux éditions Stock. Dans le texte qu'on a entendu, enfin la correspondance lue par la comédienne Maëlys Ricordo, ce qu'on y entend, c'est une lente adaptation à une nouvelle condition qui ne va pas pour Frida Kahlo avec la perte de l'intensité qui la caractérise. Parce qu'il y a beaucoup de façons de faire des voyages immobiles, hein. On peut penser à Pessoa qui revendique l'immobilité, qui regarde avec mépris ceux qui voyagent en disant mais un coucher de soleil en Chine, c'est la même tête qu'un coucher de soleil à Lisbonne, alors autant rester à sa fenêtre, avec cette forme de mélancolie qui lui le caractérise. Chez Frida, ce qui est passionnant, c'est qu'en fait l'immobilité ne va pas la calmer, au contraire même, ça va enflammer l'ardeur qui l'a caractérisée jusqu'à ce que cet amour finalement se reporte sur quelqu'un d'autre qui était déjà là avant. En fait, c'est ça qui est intéressant. Oui, ce qui est amusant, c'est que pour Frida, l'espace du lit n'est évidemment pas un espace de repos, c'est un espace de combat et de violence. Et ce sera le cas toute sa vie. Sur toutes les représentations du lit, sur ses tableaux, on est toujours dans la violence, la douleur, mais vraiment cette idée active du combat et jamais d'être alangui ou d'être apaisé. Alors effectivement, quand elle a ce terrible accident, dans le bus, parce qu'il y a une collision entre un bus et un tramway, des gens vont mourir dans cet accident, elle est rescapée, elle est miraculée. Et c'est là où c'est vraiment la roue du destin. Ce qui est encore plus fou, c'est que son amoureux de l'époque, Alejandro, un jeune homme qui est dans la même école qu'elle, à la préparatoria, très érudit, très amusant, est assis sur la même banquette qu'elle et lui a littéralement quelques égratignures. Comment on peut être au même endroit, assis à côté de quelqu'un, et l'un est à 40 fractures et l'autre n'a rien? Ce sont les impossibilités de la vie. Et cet Alejandro, lui, il peut continuer à courir dans les couloirs de l'école. Et l'épreuve du lit pour l'amour se présente dans le sens où notre Frida, elle attend son bel Alex, son Alejandro qui vienne lui rendre visite. Et Alex vient pas, vient peu, ne vient plus en fait. Et elle va lui écrire encore et encore. Et pour le coup, ce qui est tout à fait fascinant, un des premiers autoportraits que Frida peint quand elle est alitée. C'est un autoportrait qui ressemble peu à ce qu'elle peindra par la suite, dans le sens où elle a peut-être pas encore trouvé son style si caractéristique. Ça ressemble presque à un Modigliani. Enfin, elle s'inspire aussi, voilà, de peintures d'Europe. Ce portrait, cet autoportrait, elle est sublime. Elle est très féminine, mais elle n'a pas du tout cette ombre de moustache ou ses sourcils. Elle n'a pas du tout cet air aussi renfrogné qu'elle aura sur ses tableaux par la suite. Elle est magnifique. Elle a un décolleté de dingue à tomber par terre. Elle a une robe à l'européenne avec un décolleté extrêmement profond qui va quasiment jusqu'au nombril. Alors derrière elle, en revanche, il y a la mer déchaînée, une mer bleu nuit avec des flots qui choquent. Donc c'est un tableau de violence. Et ce tableau où Frida, elle est fatale, à qui elle le dédie? À Alejandro, qui ne vient pas la voir. Elle lui envoie une lettre avec le tableau en lui disant, celui-là, t'as intérêt à l'accrocher bien en face pour ne jamais oublier de voir ta Frida. Et derrière le tableau, elle écrit dans la langue de son père, en allemand, Heute ist immer noch, aujourd'hui c'est encore toujours. Ce qui veut réellement dire, très bien les gars, je suis là, je suis bloquée, je peux plus rien faire, toi tu viens pas me voir, tu vas courir d'autres filles, etc. Mais aujourd'hui, si je suis pas morte, c'est encore toujours. Donc là, on voit aussi que sa peinture est un outil de combat, oui, et de séduction, mais de reconstruction et de naissance d'autre chose. Et justement, à partir de là, autre chose va naître, un autre amour va naître. Comment est-ce que ça se passe? Parce que aujourd'hui, on associe Frida Kahlo à Diego, son grand amour, Diego, avec qui elle va vouloir avoir des enfants, mais ça ne peut pas fonctionner puisque son corps est brisé, son corps ne peut même pas accueillir un embryon. Et ce sera l'objet non seulement de plusieurs drames pour elle, mais aussi de tableaux dont on va parler dans un instant. Ce Diego, ce qui est passionnant, c'est qu'ils font vivre une vraie histoire d'amour, mais c'est qu'avant même de le rencontrer, elle disait déjà vouloir un enfant avec lui. Alors, qui est-il? Alors, Diego Rivera, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt lui qu'on associe à Frida que l'inverse. Mais il faut imaginer qu'à l'époque, c'est une star connue de tous les Mexicains, dans le sens qu'il est connu du paysan qui ne sait pas lire et écrire jusqu'au président de la République. Diego, c'est déjà un mythe. Il est remarquable, il prend tout l'espace. Il a 1000 réputations qui le précèdent. Immense séducteur, ogre, mais c'est lui-même qui répand ses réputations. Il explique qu'il aime manger la chair des femmes après avoir fait l'amour avec elles. Il raconte la vie qu'il a eue en Europe. Il a vécu 10 ans à Paris où il était ami avec Picasso. Il a vécu en Russie. Il est allé en Russie parce qu'il est fervent, ardent, communiste, politique engagé. Il se revendique lui-même comme, quand on lui demande ce qu'il fait dans la vie, il dit pas je suis peintre, il dit je suis le grand peintre, communiste révolutionnaire. C'est comme ça qu'il définit son métier, le grand peintre communiste révolutionnaire. Et c'est vrai qu'il va fonder le premier journal du PCM, du Parti communiste mexicain, à Mexico. Il va insuffler avec d'autres très grands peintres, Orozco, Siqueiros, la murales, les peintres murales, qui sont littéralement une revendication de sortir la peinture des salons bourgeois pour la mettre sur les bâtiments publics pour raconter au peuple son histoire, parce que cela appartient au peuple et l'art est une révolution au service du peuple. Donc Diego, tout le monde le connaît. Il peint partout. Il peint dans le palais présidentiel, il peint au palais des Beaux-Arts, il peint dans les écoles. Et donc, effectivement, quelques années plus tôt, avant que Frida ait son accident, il peignait une très très grande fresque au à la préparatoria où elle était à l'école, dans l'amphithéâtre Bolivar. Il faut imaginer que les fresques, c'est des centaines ou des milliers de mètres carrés. Ça prend des mois et des mois. Et donc, effectivement, notre Frida, qui n'était pas encore accidentée, a eu tout le loisir de sécher les cours et d'espionner El Gran Pintor, en train de peindre, alors qu'il a souvent des modèles pour peindre quand il peint des sujets féminins. Évidemment, il se fait des petits 5 à 7 avec ses modèles où il aime bien mêler la bagatelle à la peinture. Frida, elle adore l'espionner. Elle connaît déjà toute sa vie. Elle sait qu'il a déjà été marié deux fois, avec notamment Lupe Marine, Guadalupe Marine, qui est connue aussi comme le loup blanc, etc., etc. Elle connaît tout de Diego. Et Frida, ce qui est amusant, enfin ce qui est en tout cas... attendrissant, bouleversant, c'est que quand elle est bloquée sur ce lit de douleur, elle décide de peindre, elle décide, alors que les médecins lui disent que probablement elle remarchera pas, qu'elle va remarcher, qu'elle va se lever, et qu'elle va voyager, et qu'elle va continuer à danser et à chanter, mais elle décide, et c'est très parlant, qu'elle va aller chercher le mec le plus connu du monde. Parce que pour son monde, c'est le mec le plus connu. Et donc, quand on est réduit en cendres, d'une certaine manière, et qu'on dit, non mais moi, je vais aller chercher le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus drôle. Je dis le plus beau lui-même, se décrivait comme l'homme le plus laid du monde. Mais comme vous savez, un homme qui sait comment regarder les femmes et quand il les regarde, tout d'un coup, elles n'ont jamais été regardées comme ça. Et l'homme le plus beau du monde, de toute façon. Donc quelque chose en physique. Exactement. Donc, elle décide d'aller chercher toute la montagne. Elle, qui n'est plus rien, qui est toute cassée. Elle décide d'aller chercher, littéralement, le soleil. Et alors, on sait comme le soleil et la lune sont importantes dans l'imagerie mexicaine. Mais de fait, Frida... elle est littérale, c'est ce que j'aime dans sa peinture. Comme elle le dit, je ne suis pas surréaliste, je peins ma réalité, je peins la réalité. Elle peint souvent le soleil et la lune sur ses tableaux, et qui souvent représentent aussi Diego et elle. Elle a bien conscience qu'elle est allée chercher le soleil absolu, parce qu'on lui avait donné peut-être une seconde chance d'être en vie, et qu'il fallait faire quelque chose de cette vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va aller le chercher avec deux biais. Un, par le biais de la camaraderie, dans le sens elle est elle-même communiste. À l'époque, tous les artistes sont communistes, c'est mélangé. Elle va les chercher sur un pied d'égalité. Camarade, camarade, descends de ton estrade et viens voir ce que je peins. Et donc le deuxième biais, c'est regarde ma peinture, parce que Frida, c'est très clair, elle n'est pas dans une séduction entre hommes et femmes, elle est dans regarde ce que je peins deux secondes, toi le plus grand peintre du monde. Et Diego a probablement un accident quand il voit la peinture de Frida, il se dit... mais je ne pourrais jamais peindre comme ça. Qui est cette femme ? Une petite parenthèse avant qu'on continue dans cette histoire d'amour et ce qui va s'en suivre. Vous avez dit que Frida Kahlo revendiquait son réalisme. Ça n'empêche pas André Breton d'écrire à propos de son travail. J'ai été obligée de constater qu'il n'existe pas de peinture au Mexique qui me semblait mieux placée dans le temps et dans l'espace que celle-ci. Je voudrais encore ajouter qu'il n'y a pas de peinture plus exclusivement féminine. Afin de jouer plus complètement de la séduction, l'art semble osciller d'une façon insaisissable entre la pureté absolue et la rouerie parfaite. L'art de Frida Kahlo est comme un ruban bigarré noué autour d'une bombe. Oui, alors André Breton. Bon, moi, je me suis un peu amusée à lui tailler un sacré costume dans Rien n'est noir, parce que Frida se lâche totalement, notamment dans sa correspondance, quand elle parle d'André Breton. Alors après, voilà, il faut mettre aussi les choses à bonne distance. Elle est allée à Paris parce qu'il l'a invitée pendant 6 mois pour faire une exposition. Elle l'a accueillie avec Jacqueline Lamba chez elle à Mexico. Frida, probablement, ce qu'elle préférait chez André Breton, c'était sa femme. Et elle a eu effectivement une liaison avec Jacqueline Lamba, qui est un personnage tout à fait fantastique, étonnant, une femme très fine. Mais elle est énervée un petit peu, Frida, même si elle va reprendre cette formule, le ruban noué autour d'une bombe. C'est pas elle qui va reprendre. Son galeriste new-yorkais va reprendre cette formule pour le catalogue de sa première exposition aux États-Unis, sachant qu'elle n'a jamais eu d'exposition au Mexique à ce moment-là. Donc la première exposition aux États-Unis, c'est peut-être aussi la première exposition où elle est reconnue uniquement en tant que peintre et pas comme Madame Rivera. Et ça va être repris, cette formule, pour le catalogue. Ça veut dire que elle remercie probablement aussi André Breton de l'avoir regardée. Mais c'est passionnant. André Breton, il arrive au Mexique et comme vous savez, le pape du surréalisme, il arrive avec sa baguette magique et puis alors tout est surréaliste, comme il inventait le monde lui-même. Or, le monde existait avant, merci bien, voilà, les choses n'ont pas attendu Breton pour exister. Mais effectivement, quand on regarde certains de ses tableaux, et là je pense à un de ses tableaux où il y a un lit de Frida, c'est un tableau où elle représente la fausse couche, elle est sur un lit, elle est toute petite dans ce lit, elle est presque en train d'en basculer, elle est dans un paysage presque désertique avec un paysage urbain au fond. Et là, effectivement, l'hôpital Henry Ford, voilà, du tableau, hein, l'hôpital 1932. Henry Ford, qui doit être en 32, si je ne me trompe pas. Et effectivement, de son corps part, comme des cordons ombilicaux étranges, comme des rubans, six symboles qui partent d'elle et qui volettent dans les airs autour d'elle, dont son fœtus qu'elle a perdu, dont un escargot, une orchidée. Effectivement, on peut très bien comprendre que Breton se dise on est dans la frontière entre le conscient, l'inconscient, le rêve, etc., aller chercher en soi ce qui nous dépasse, ce qui nous échappe. Le fait, c'est que Frida, là où ça l'agaçait, c'est que littéralement, quand elle peignait ce qu'elle voyait, ce qu'elle ressentait, sans aucune construction. Et c'est là où elle dit, moi, je fais pas carrière, j'ai pas un projet, je suis pas en train de pulvériser les horizons de la peinture existant pour créer autre chose. Littéralement, je peins ce qui sort de moi. Comme si elle vomissait, si je puis m'exprimer, comme si, et d'ailleurs, il y a un tableau où elle est au lit, où elle vomit, comme une sorte de montagne d'aliments, et c'est une sorte d'image aussi. Et c'est vrai qu'on peut tout à fait comprendre pourquoi notre ami Breton les a trouvés surréalistes, mais on peut aussi tout à fait comprendre à quel point ça agaçait Frida, puisqu'elle était là, je peins uniquement la réalité. Donc ne viens pas me parler de surréalité. Après, ils sont comme chien et chat, et c'est assez amusant aussi de regarder voilà toutes leurs relations. On peut quand même reconnaître à Breton, effectivement, de l'avoir invité à Paris en 39, de faire cette première exposition parisienne. Mais là où les hommes ont un courage, mais jusqu'à un certain point, c'est qu'effectivement, les tableaux étaient effrayants, et qu'il a finalement renommé l'exposition Mexique, et non pas Frida Kahlo, pour essayer de mêler ça aussi avec un peu de bazar mexicain, ce qui agaçait aussi Frida. Il a collé ça voilà, avec quelques objets, etc. Et au début, il ne voulait que quelques tableaux de Frida. Finalement, elle en imposera plus. À cette exposition, Picasso viendra et dira à Frida, « Ni Derain, ni Rivera, ni moi-même ne pourrions peindre les visages comme ceux que tu peins, Frida. » Effectivement, elle a une reconnaissance de ses pères, masculin. Parce qu'effectivement, il parle aussi, ça m'agace, de la féminité, de je sais plus quel terme. J'imagine bien que c'est ça qui nous agace. Je voudrais en littérature ajouter qu'il n'y a de peinture plus exclusivement féminine. Voilà. Afin de jouer complètement de la séduction. Forcément, quand on parle de femme, on parle de séduction. L'art semble osciller d'une façon insaisissable entre la pureté absolue et la rouerie parfaite. Tout à l'heure, on parlait de pourquoi ça nous parle encore tellement aujourd'hui, Frida Kahlo. Ouais. Précisément, l'idée que les femmes peignent ou écrivent sur des sujets mineurs, sur des sujets féminins, écrivent ou peignent des sujets féminins, sur des portraits de femmes, etc., des voix de femmes, etc. C'est encore un combat qu'on mène. Et que précisément, Frida Kahlo peint l'accouchement, la violence conjugale, la fausse couche, je crois que ce sont des sujets qui regardent tout autant les hommes que les femmes. Diego se cantonne au couloir de l'hôpital. Frida réclame son fils. Elle veut le voir, le garder, le couvrir. C'est son fils. Qui peut prétendre le lui enlever ? Les médecins expliquent à Rivera que le fœtus est sorti en petits morceaux, qu'il n'y a rien à montrer. C'est parti à la poubelle. Diego campe dans le chagrin de sa femme. Je veux le peindre, Diego. Je veux dessiner son visage. Je ne veux pas l'imaginer. Je veux peindre la vérité de ses yeux, de sa bouche, de son crâne. Je le dois. Sinon, il n'existe pas. Il ne pourra pas revenir. Il ne pourra plus vivre dans notre souvenir. Il restera prisonnier dans les limbes. Frida est anéantie, ce qui n'empêche pas sa colère. Elle se lève, indifférente aux protestations des médecins, s'échappe et erre dans les couloirs pour chercher les bouts de son fœtus envolé avant de s'évanouir, à bout de force. Le récit de la fausse couche de Frida Kahlo que je viens de lire et de vous, Claire Berest, hein, j'ai lu un extrait de votre livre Rien n'est noir. Il permet de commenter plus précisément, si vous le voulez bien, parce qu'on va essayer de parler du travail et la magie de la radio fait qu'on peut tout à fait dépeindre ce qu'on voit et justement voir ce qu'on peut dire de ce qu'on ne voit pas forcément. En tout cas, vous avez commencé à évoquer le tableau l'hôpital Henry Ford, qui est donc là où elle a cette fausse couche. On entend dans le texte que j'ai lu la volonté de peindre ce qui est, c'est ce que vous disiez, y compris ce qui paraît absolument irreprésentable. Un fœtus qui est lui-même en mille morceaux, on est dans le comble de l'abomination, et elle veut en faire quelque chose. Le résultat est un tableau, alors qu'il se regarde tout à fait, pour le coup, hein, parce que, voilà, il faut essayer de comprendre l'univers qu'elle dépeint. S'il fallait citer des peintres, des toiles que l'on connaît peut-être mieux, qui feraient penser, moi je penserais plutôt à Francis Bacon, dans le caractère sanguinolent, très violent, et en même temps, regardable. Le but n'est pas d'exclure le spectateur. Et là, on voit en effet une femme qui est en pleine fausse couche avec du sang autour de son corps, et ces 6 cordons qui la relient alors à un fœtus que l'on voit, qui n'est pas qu'il a entier, et notamment cet escargot qui semble signifier la lenteur de la fausse couche elle-même, non ? Disons qu'on peut faire 1000 lectures, et c'est ça qui est fascinant, ouais. et pour la peinture et pour les livres, on peut faire 1000 lectures. Sur ce tableau, on a effectivement dans ces 6 cordons qui s'envolent autour d'elle, celui qu'on voit le plus qui est au milieu, c'est le Digito, le fils qu'elle n'aura pas. Elle est persuadée que c'était un garçon, mais elle l'imagine, hein, quand il y a des morceaux, on ne sait plus, hein, on est quand même dans les années 30. Hein. Il y a ce fœtus qu'elle dessine pour qu'il vive toujours, hein, pour qu'il existe. Il y a cet escargot qui est probablement, oui, la lenteur de l'accouchement et de la douleur permanente. Il y a aussi l'escargot, c'est les humeurs, la bave, comme les humeurs de tout ce qui sort du corps quand on accouche ou quand on fait une fausse couche. Voilà, tous ces liquides qui nous entourent, que ce soit le sang, que ce soit le placenta, que sais-je. Voilà, on ne va pas rentrer dans un cours d'anatomie, mais enfin, on imagine. Il y a aussi littéralement des multiples représentations de cette partie du corps qui dysfonctionne, puisque Frida fait une coupe anatomique avec un bassin, oui. On voit une sorte de fœtus aussi en transparence. Elle fait aussi le squelette du bassin, les os, qui sont ces os qui ont été pulvérisés dans son accident. D'ailleurs, dans l'accident, Frida, elle a une barre de fer qui lui transperce le corps et qui transperce son vagin. Probablement. Elle dit qu'elle a perdu sa virginité à cette occasion. Oui. Alors voilà, elle s'amuse parce qu'évidemment, elle avait déjà trouvé les chemins de l'amour physique avant l'accident, et on le sait, elle s'amuse. Elle avait d'ailleurs déjà eu des relations avec hommes et femmes avant l'accident. Elle avait un goût précoce de l'éveil à la sexualité. Mais effectivement, littéralement, elle a été violée par cet accident. Cette barre de fer l'a pénétrée de part en part, hein, et a probablement abîmé tout à l'intérieur de ce bassin qu'elle ne comprend pas bien. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle essaie de le représenter comme pour le sonder. Elle va donc faire les os, elle va faire cette coupe anatomique. Et puis, il y a cette pièce de machinerie qui part d'un ruban également. Une pièce de machinerie. Alors, elle est à Détroit, c'est les usines. Elle fréquente Ford. Donc, elle est très au courant de ce rapport à la machine. Son mari, Diego, est aussi fasciné par la mécanique. Il représente des fresques avec des ouvriers à la chaîne, etc. Donc, c'est pas anodin, on est à Détroit, qu'elle représente cette pièce de machinerie, mais je sais pas ce que vous en pensez. On a l'impression que cette pièce de machinerie représente elle-même un bassin. Oui. Et c'est la même forme. C'est la même forme. Comme si elle disait, alors c'est quoi le corps ? Est-ce que c'est une machine ? Mais alors, est-ce qu'on peut réparer la machine ? Est-ce que vous pouvez me réparer ? Parce que c'est ce qu'elle va demander à ses médecins encore et encore. J'ai l'impression que ces médecins, au bout d'un moment, pour Frida, ce sont presque comme des amants. Ils la connaissent par cœur, elle leur confie son corps en permanence. Et elle a un de ces médecins avec qui elle va devenir très amie, qui s'appelle Léo Elosser, et qui est un médecin tout à fait stupéfiant. Un jour, il faudrait que quelqu'un fasse un roman sur ce médecin qui est tout à fait charmant, intéressant, et qui d'ailleurs lui offrira à Frida un fœtus dans un bocal pour qu'elle puisse le ramener chez elle à Mexico, dans la Casa Azul, pour qu'elle puisse le garder. Frida, elle avait aussi ce rapport-là. Elle avait beaucoup de poupées à qui elle parlait, qu'elle habillait, qu'elle nourrissait. Elle avait son fœtus, elle avait beaucoup d'animaux, des singes, des chiens, des perroquets, des paons, etc. Et elle demandait, hein, à Diego, quand elle était à l'hôpital, à la fin de sa vie, quand elle est tout le temps à l'hôpital, elle demandait à Diego, pendant que je suis pas là, il faut changer les poupées. Il faut les nourrir, etc. Cette femme qui n'a pas pu avoir d'enfant, qui réinvestissait dans les poupées, les animaux, mais aussi dans tous les objets, peut-être un rapport magique où tout est en vie, même les cailloux, même... Elle se présente comme magicienne d'ailleurs. Oui, très souvent dans sa correspondance, elle demande à Diego, est-ce que je suis toujours ta magicienne ? Alors qu'en fait, quand elle n'est pas là, Diego s'occupe pas tellement des poupées que de la sœur de Frida Kahlo, Cristina Kahlo. Y aunque te amo, ¡sortez tous! Con locura, ¡allez-vous-en tous! ¡Dehors! Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza. Que me estoy muriendo por irla a buscar. Je dois grimper 3 étages en boitant, la nuit il fait froid et j'ai pas les moyens d'acheter des meubles. Mais au moins je sais qui m'esquit sous mon toit. Et Diego ne te donne pas d'argent? J'aime mieux être pauvre. C'était pas un modèle. C'était ma sœur. Ma propre sœur. Oh, qu'il aille au diable. Ouais, qu'il aille au diable. Trouve du boulot. Ça te paiera quelques factures au moins. Je vendrai des peintures. Je crois que ça couvrira pas tes frais de bar. Que les choses soient claires, j'adore ce que tu peins. Mais je suis pas sûre que tu puisses compter sur ça pour gagner ta vie. Tes tableaux sont durs, tu sais. Tiens, par exemple celui-là. C'est quoi ça, hein? Un crime dont toute la presse a parlé. Imagine que cet homme a poignardé 22 fois sa femme et au juge qui essayait de comprendre son geste, il a dit « Mais c'était juste quelques petites piqûres. » C'est Salma Hayek qui joue Frida Kahlo dans le film de Julie Taymor qui date de 2002. Vous l'avez vu, Claire Berest? Oui, oui, bien sûr. Il est fidèle à ce que vous savez de Frida Kahlo? C'est un très bon film. Dans le très bon sens du terme, grand public, ouais. Dans le sens où il ne trahit pas l'histoire de Frida. Il parle de sa peinture pour un public le plus large possible qui ne la connaît pas et qui aimerait la connaître. Et évidemment, il est obligé de faire des raccourcis parce qu'un film d'une heure et demie, il y a des raccourcis. Mais les raccourcis sont très ingénieux. Et pour le coup, si je ne me trompe pas, il est basé sur la biographie de Hayden Herrera qui fait vraiment référence en la matière. Donc c'est un travail très sérieux. Et Salma Hayek est mexicaine. Elle n'est pas d'un autre pays. Elle connaît. Voilà, ils ont choisi. Peut-être la seule chose qu'on pourrait reprocher, c'est qu'il aurait fallu tout tourner en espagnol. Et puis après, mettre des sous-titres. Mais ça, c'est un peu le problème des grosses productions. C'est que du coup, ils parlent en anglais. Et parfois, ça fait un peu mal que Frida Kahlo, Diego Rivera parlent en anglais. D'autant que là, ils viennent de parler en français. Oui, bah là, du coup, encore c'est moins de sens. Voilà, encore moins de sens. Quelques petites piqûres. C'est le titre donc de ce tableau qu'elle peindra à la suite de la découverte de la liaison entre Diego et sa sœur Cristina. Et à la suite de ce fait divers. Hein, donc, une femme assassinée par son mari qui était ivre et fou de rage, après aussi avoir découvert son infidélité. Le résultat est un tableau, alors là, franchement sanguinolent. On y retrouve un lit encore. Hein. Absolument. Là, c'est un autre tableau où il y a un lit. Alors, c'est intéressant, juste peut-être sur le lit, parce qu'effectivement, il faut imaginer une femme qui a été lardée donc de 22 coups de couteau. C'est une boucherie. Elle est nue. Donc, on voit le sang, on voit son sexe, on voit sa chair. Rien ne nous est épargné. Au contraire, c'est bien. Tout nous est montré. Mais elle a un bas en dentelle sur une des jambes qui est un signe aussi voilà de séduction de peut-être d'amour physique. Il y a un talon qui reste à une de ses chaussures avec un talon. Donc elle montre aussi cette idée là de la femme comme support libidinal aussi de l'homme, comme objet de désir, et elle place cette scène sur un lit. Le lit qui est le lit de mort de cette femme, mais qui est aussi le lit de l'amour, du désir, de l'infidélité, et donc ce lit là dans ce tableau où elle ne se représente pas, c'est un des tableaux où Frida ne se représente pas, ce lit au centre de la pièce est ultra signifiant, je pense. Pour le coup, on a notre meurtrier à côté, le mari de la femme, qui effectivement, alors, il y a plusieurs sources. Hein. Est-ce qu'il y avait vraiment eu un fait divers? Est-ce qu'elle a reconstitué avec d'autres choses qui sont passées? Peu importe, on s'en fiche. Encore une fois, c'est le tableau qui parle. Et il y a ce mari qui, littéralement, après avoir asséné 22 coups de couteau, dira au juge « Bah quoi? C'était quelques petites piqûres. » Alors, ça répond aussi peut-être aussi à la question qu'on se posait tout à l'heure. Pourquoi Frida nous parle encore tellement aujourd'hui? Elle représente la violence conjugale sur un tableau. Quel peintre, en 1935, quel peintre homme ou femme a représenté la violence conjugale sur un tableau? En tout cas, au XXe siècle ou jusqu'au XXe siècle, elle représente ce déchaînement de violence incontrôlé, sans raison, sans sens. Et de fait, elle y reviendra plein de fois à ce tableau. Et je viendrai peut-être sur le contexte, mais elle y reviendra plein de fois à ce tableau. Et c'est dans les dernières fois où elle y revient, où carrément, si je puis m'exprimer comme ça, elle met du sang sur le cadre. C'est pas au début, mais le cadre du tableau est ensanglanté avec comme des gouttes qui ont été projetées. Et littéralement, il y a des... Donc c'est le vrai cadre ou c'est un cadre peint dans le tableau? Non, c'est-à-dire que le vrai cadre. Frida, elle aimait bien aussi décorer les cadres qui étaient autour de ces toiles. Il y a des cadres où elle met des coquillages, des perles, etc. Les cadres, voilà, l'armature. Là, le cadre qui est autour c'était pas le cas dans les premières années de la version de ce tableau, mais à la fin, quand elle y revenait, c'est comme si tout d'un coup elle était prise de colère devant cette violence, et elle s'est mise à mettre du sang partout sur le cadre, comme si littéralement cette violence sortait du tableau et se projetait sur les spectateurs, parce que si on regarde la violence et qu'on n'agit pas, on est complice aussi. C'est vrai que c'est si moderne. En toute petite parenthèse, même sur le tableau Le suicide de Dorothy Hale, où elle représente une de ses connaissances amies en train de se suicider, elle la représente en trois étapes. La première, où elle se jette de la fenêtre, le corps qui tombe, et enfin le corps sur le sol mort, avec le visage intact, et c'était bien le problème. Cette femme portait sa beauté comme un fardeau, et même dans la mort, après 16 étages, son visage n'était pas touché, je ferme la parenthèse, mais là aussi, le pied dépasse du cadre. Et Frida, très souvent comme ça, elle prend possession même de l'espace, en dehors du tableau. Effectivement, ce tableau-là, en tout cas les quelques petites piqûres, parce qu'à la manière des ex-voto, Frida Kahlo, elle écrit sur ces tableaux. Elle écrit souvent le lieu, la date, elle écrit parfois le sujet, donc elle écrit littéralement quelques petites piqûres. Alors en espagnol, j'ai un très mauvais accent espagnol, sur le tableau, parce que sur les ex-voto, on écrivait, et qu'elle se revendique sans le vouloir vraiment de cet art brut, justement, sans velléité esthétique ou artistique, qui est l'ex-voto mexicain. Et effectivement, le contexte de ce tableau, puisqu'encore une fois, Frida Kahlo, c'est presque un journal intime, ces tableaux. Oui, Diego Rivera fait l'amour avec des femmes tous les jours. Oui, il n'a jamais été fidèle. Et d'ailleurs, il lui a jamais promis qu'il le serait, parce qu'il a dit la fidélité, c'est une convention bourgeoise. Et nous ne sommes pas des bourgeois. Mais d'ailleurs, elle aussi. Oui, alors après, la grande question... Après, ils se séparent, ils vivent chacun leur vie. Le fait-elle en réaction ou Bon, ça c'est... En tout cas, comme il nous reste 4 minutes, je veux dire, avant qu'on arrive à la mort de Frida Kahlo, qu'elle a une liaison avec Léon Trotsky. Oui, donc voilà. Donc, lui, il est avec ça, il va coucher avec sa sœur, c'est affreux. Donc, on va faire ce tableau. Oui, alors elle, parmi ses différents amants, oui, c'est pas rien, n'est-ce pas? Ah non, c'est pour ça que je tiens à le dire. Avec Léon Trotsky. Trotsky qui arrive en exil, de la Norvège au Mexique, qui doit être accueilli par le grand peintre communiste révolutionnaire Diego. Mais Diego envoie son arme secrète pour accueillir Trotsky et sa femme au port, il envoie Frida Kahlo. Et effectivement, il faut imaginer la première vision du Mexique de Trotsky, c'est cette femme dans ses 8 pilés brodés, ses jupes tijuanas, ses fleurs dans les cheveux, et qui lui dit bienvenue au Mexique, alors que lui, bon, il est quand même en exil depuis un moment. Il arrive là et tout d'un coup, est-ce qu'il est sauvé ou est-ce qu'il est perdu? Et effectivement, il va avoir une liaison amoureuse avec cette femme, une liaison vraiment, un amour physique. Il y a vraiment l'idée de « je te veux, j'en peux plus », quoi. Et l'un et l'autre, parce qu'on a des lettres de cela, ça va durer plusieurs mois. Il faut imaginer aussi que peut-être Frida essaye de faire la vengeance absolue après que Diego ait pu la tromper avec sa sœur. C'était inimaginable, il peut avoir toutes les femmes du monde, pourquoi choisir sa sœur? Est-ce que l'amour, c'est pas du sadisme ou du masochisme? Bon, évidemment. Et elle va dire « bah très bien, mais moi je vais prendre Trotsky ». Et ben voilà, c'est-à-dire que pour mon mari trotskiste, je vais le tromper avec Trotsky. Ouais, voilà. C'est assez beau. Je le trompe avec Dieu, quoi. Voilà, exactement. Je vais te tromper avec Dieu. Mais c'est beau parce que Trotsky et Frida, voilà, ils s'échangent des tableaux, ils s'échangent des livres. Trotsky offre des livres à Frida. Ils se glissent des billets, des lettres dans les livres parce qu'ils ont quand même, lui est avec sa femme, elle, il y a Diego. Elle va lui peindre un tableau pour lui. Elle est dans une robe, une très grande robe rose, comme ça, elle est assez théâtrale. Bon, après, on peut tirer les fils de la séduction, de quels sont les objets qu'on offre à l'autre, dans une séduction cachée, etc. C'est assez amusant. En fait, ils sont tous les deux comme des gamins. Ils ont une sorte de jeunesse retrouvée. Et on sait que Trotsky sera assassiné au Mexique quelques temps plus tard. On sait qu'il vit peut-être sa dernière espièglerie avec la grande déesse Frida Kahlo. En 1954, il nous reste 2 minutes pour parler de sa mort, Claire Barrès. Frida Kahlo donc meurt. Il y a un mystère autour de sa mort. Selon les versions qu'on lit, on trouve pas les mêmes versions. Embolie pulmonaire, suicide, trop de médicaments. Est-ce que sa mort ressemble au tableau qu'elle propose en 1940 qui s'appelle Le Rêve, où elle se représente, en tout cas il y a une femme allongée sur son fameux lit à baldaquin avec un squelette à l'horizontale en parallèle au-dessus du lit. Oui, c'est un très beau tableau, ce squelette, c'est ce qu'on appelle un Judas au Mexique, ce sont ces bonhommes de papier mâché monumentaux que l'on construit au moment de la Pâque et qu'on fait exploser dans la rue avec plein de pétards. Et effectivement, elle représente cet immense squelette. Si on regarde le tableau, Frida Kahlo est minuscule. Là où je pense que ça ne ressemble pas à la mort de Frida, cave. Elle est minuscule dans le lit. Le squelette, on a l'impression qu'il a, voilà, il fait 10 fois sa taille. Elle-même semble être totalement perdue dans ce lit. Vous remarquerez, elle est aussi une sorte de femme racine. Il y a une sorte de plantes qui partent de dessus sa couverture, comme une couverture d'herbe, et puis qui vont se plonger dans le sol. Effectivement, il y a peut-être l'idée de je vais retourner à la terre. Et le squelette est rafistolé comme elle l'est. Oui, et il est rafistolé, et il y a aussi voilà, ce système de pétards d'explosion. Moi, je pense que la mort de Frida, elle était debout, entre guillemets, alors qu'elle venait d'être amputée de la jambe. Enfin, elle était très, très diminuée. Son corps, non, elle n'en pouvait plus. C'était des douleurs insupportables. Mais je pense que Frida, elle a pris la mort à bras-le-corps. Elle n'était pas cette petite poupée toute fragilisée, avec un squelette beaucoup plus grand qu'elle. Je pense que Frida, elle l'a regardée dans les yeux. Et comme elle l'écrit dans son journal intime, la dernière entrée dans le journal, « J'espère que la sortie sera joyeuse et j'espère ne jamais revenir », il y a vraiment un jeu affirmé qui va, et qui va avec force, et qui va avec décision. Moi, j'ai ma version de la mort de Frida, et je l'écris dans le roman. Je ne sais, il n'y a que Frida qui peut savoir ce qui s'est passé dans cette chambre. Ce que je trouve beau aussi dans la chambre, dernière nuit, Diego est là, parce que après tout ce qu'ils se sont fait, ils resteront ensemble quand même jusqu'à la fin. Et Diego est là auprès du lit de Frida. Elle lui dit à un moment donné, « Mi amor, est-ce que tu peux éteindre la lumière et fermer la porte ?» Elle le congédie, elle décide. Lui va s'exécuter, cette idée voilà, d'éteindre la lumière, pour peut-être rentrer soi-même dans la nuit, parce qu'on a décidé de rentrer dans la nuit. Mmh. Il va aller travailler, il va aller peindre. Et Frida, en face de Frida, va choisir quelle sortie elle va prendre. Et j'espère effectivement qu'elle était joyeuse. Diego se souvient que lorsque Frida est entrée dans les flammes lors de la crémation, son corps s'est redressé d'un coup, sous l'effet de la chaleur. Et les vivants, elle les regardait tous, assises bien droites dans son bûcher, une couronne de feu palpitante autour de sa chevelure. L'hommage de la chanteuse Rosalia à Frida Kahlo s'appelle À Palais. Il est 10h53, dans 15 secondes sur France Culture, les chemins de la philosophie. C'est donc l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Donc ce matin, vous nous parlez d'un truc. Et oui, le truc dont je vais vous parler ce matin, c'est justement de truc, du truc lui-même. On dirait un mauvais quiproquo, mais c'est bien le truc, le bidule, le machin chose, le mot truc et même le concept de truc qui m'intéresse aujourd'hui. On parle beaucoup d'éléments de langage, de tics de langage, on parle moins de ces termes passe-partout qui nous sont pourtant bien utiles comme le truc donc. Déprécié, coupable d'être vague, d'être le symbole d'une pensée peu claire, ce terme tout bête qui sonne ludique et puéril regorge pourtant d'une infinité de possibles et a beaucoup plus de force qu'on ne le pense. Mais quelle force et pour dire quoi ? Yeah, yeah, yeah, yeah ! Il me fait faire ce dont je n'ai pas envie. Doua ! Il me fait dire non quand je veux dire oui. Doua ! Je suis la proie de ces mille folies. Oui, il m'a comme envoûté, oui, comme ensorcelé. Il a le truc pour jouer avec mon cœur, mon pauvre cœur. Yeah. qu'il a le truc chanté les Gams au début des années 60. Mais on pourrait penser à bien d'autres expressions. C'est un truc de ouf, c'est pas mon truc, je pense à un truc, ça a été tout un truc. La liste est longue et pas forcément consciente de toutes ces fois où on utilise le truc comme un truc, c'est-à-dire comme une astuce, une facilité pour éviter d'avoir à trouver un terme plus adéquat. Mais il y a un usage du truc qui à chaque fois me frappe. Celui où l'on dit pour expliciter sa pensée, expliquer, faire comprendre, voire s'excuser. Le truc, c'est que... On utilise ainsi cette tournure, notamment lors de situations délicates ou en période de doute existentiel, ce qui a été mon cas. Il y a quelques années, lors d'une crise de ce type, une amie m'avait fait remarquer cette tendance, pour ne pas dire cette manie, à systématiquement dire « le truc, c'est que... » pour éclairer ma situation personnelle alors indémêlable. Ce faisant, elle avait pointé ce paradoxe. J'avais beau tenter de m'expliquer, d'essayer de trouver un sens ou une issue à ma vie, de donner à comprendre ce que je vivais, le fait de commencer toutes mes phrases par « le truc c'est que » vouait toute tentative d'éclaircissement à l'échec. Pire, ce truc embrouillait un peu plus les choses et donnait l'impression que j'étais plus dans le déni que dans l'affrontement de mes problèmes. Comment donc faire avec ce truc ? La chose était claire, il fallait s'en débarrasser, mais comment ? Peut-on se débarrasser du truc ? Avec machine, moi machin, on se dit des choses, des machins. Oh, pas grand-chose, des trucs comme ça. Suite à cette prise de conscience, s'est alors imposée à moi une alternative. Soit je tentais de me défaire de ce qui était devenu un tic de langage, soit je remédiais à ma situation personnelle pour arrêter d'en parler et d'invoquer sans cesse ce truc. J'ai bien évidemment choisi cette dernière option, le fait de réfléchir à notre manière de parler et d'essayer de se réformer par là, et tant pire je crois que de changer de vie. D'une certaine manière, ça a marché, le truc a un petit peu disparu, mais pas complètement. C'est que le truc, il faut le dire, c'est un sale truc. Il nous colle à la peau sans qu'on sache trop ce qu'il fait là. Heidegger, pour parler de l'œuvre d'art, avait pris soin de la distinguer de l'objet, puis de la chose. En revanche, pas de trace du truc. Il n'en avait évidemment pas parlé. Trop dérisoire sûrement, trop insignifiant, trop rien. Mais il aurait pu, Heidegger aurait pu, faire une place au truc. Car le truc est bien là, ce petit truc de rien du tout, qui n'est pas rien du tout. Il a des effets monstres, il prend une place énorme. Il ouvre ou ponctue nos phrases, il rythme nos vies. Mais alors, quel est-il, ce truc ? Quel est donc le truc du truc ? Mon truc en plume, plume de oiseaux, de animaux. Mon truc en... opaque, vague, signe facile, signe de déni ou d'imprécision, employer le truc apparaît malgré tout comme une tentative de dire quelque chose et comme une tentative imaginative, imparfaite, mais quand même touchante. Coquine, attendrissante, on le dit insignifiant ce truc, mais n'est-il pas, mais n'est-ce pas le reste du langage qui l'est ? Trop impuissant à nommer nos états d'âme ou un événement, quand lui, le truc, est au moins là pour manifester notre envie d'en parler, notre envie de le nommer, le fait aussi qu'il se joue quelque chose d'indicible. Le truc, au départ simple convention langagière, devient, je crois, une seconde nature. Vouloir s'en débarrasser, c'est comme vouloir s'amputer. Avec le temps, j'ai donc appris à aimer le truc, et dès que je le voir réapparaître, je me dis qu'il se passe quelque chose, qu'il faut tendre l'oreille et ne plus le voir comme un terme passe-partout. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui mettent chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Isis Jourda en compagnie de Manon de la Selle, Jules Barbier, Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie, Thomas Beau qui réalise cette semaine. À la prise de son, aujourd'hui c'était Adèle Caglar, à la lecture des textes Maëlys Ricordeau. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Profession Philosophe. Vous savez, tous les vendredis on donne la parole à ceux qui font vivre la philosophie. Demain ce sera la philosophe Vinciane Després. D'ici là, pour écouter cette série sur le lit, au lit, où vous voulez, vous vous rendez sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. On vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, où on attend vos remarques et vos commentaires. On se retrouve demain à 10h donc. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.